Bonjour fidèles auditeurs de la radio Sanganiélé, nous sommes dimanche le 8 novembre 2020, c'est l'heure de suivre l'édition de la mi-journée du journal Parle en langue française, dont voici l'essentiel. La lutte contre la corruption est une priorité pour le commissariat général des migrations, comme l'indique le commissaire de police principal, Généreuse Ngendabanga. Il appelle les requérants des services de ce commissariat d'éviter toute corruption. Joe Biden, candidat démocrate aux élections présidentielles américaines, a été proclamé hier président des États-Unis. Il devient ainsi à 77 ans le 46e président des États-Unis. Le rétablissement des relations avec l'OMS, la relance des relations transatlantiques, la lutte contre la COVID-19 et la relance de l'économie font partie de ses priorités. Vous aurez quelques éléments du contenu de son discours après la confirmation de sa victoire. Voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Armel Moutore et Innocent Biwonimana est à la mise en onde. Bonjour, je vous le disais en titre, le commissariat général des migrations va s'attaquer très activement à la lutte contre la corruption. Le commissaire de police principal, Ngendanganya Généreuse, appelle les requérants des services de l'ex-PAF d'éviter toute corruption, mais plutôt d'attendre les délais de livraison des différents documents, temps relativement court en temps normal. Suivez-la au micro de Mireille Kanyang. La lutte contre la corruption, vraiment, le commissariat général des migrations avait pris le devant. Je remercie même celui que j'ai succédé, commissaire de police Jimmy Atongimana, qui avait pris des mesures nécessaires pour faire face à la corruption ici, dans les services et même sur les frontières. Je suis là pour continuer à mettre en application ces mesures, mais aussi il y aura d'autres mesures qu'on va arrêter pour voir comment effectivement lutter énergiquement contre la corruption ici. En fait, la corruption ici à la PAF, ça a changé l'image. Pourquoi ? Parce que maintenant, on ne donne pas directement la corruption, mais on essaie de monnayer les services. Vous voyez, on travaille durement. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui fréquentent ici. Il y a des gens qui demandent des autorisations de sortie, des autorisations d'entrée. Il y a aussi ceux qui viennent de chercher les documents de voyage. Alors, tout ce monde-là veut être servi le plus rapidement possible, alors que c'est impossible. Alors, au lieu d'attendre, on veut payer pour récupérer le document et partir sans passer beaucoup de temps ici. Alors qu'on a déjà affiché les délais de livraison de différents documents. Par exemple, pour le passeport, en temps normal, on livre le passeport en 3 jours. Mais je dis en temps normal parce qu'il arrive qu'il y ait beaucoup à faire. Quand il y a beaucoup de demandes, surtout quand les militaires se préparent pour aller dans les opérations de maintien de la paix, là, c'est un grand nombre qui viennent solliciter les passeports. Et dans ce cas, on doit arrêter momentanément les autres demandes pour satisfaire la demande de ces militaires. Et sinon, dans 3 jours, on livre le document. Et quand une personne a une urgence, on peut lui donner une autorisation spéciale pour que dans quelques heures, on lui donne ce document. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on doit monnayer, qu'on doit payer le service qu'on doit avoir gratuitement. Donc, nous, vraiment, nous allons combattre avec notre énergie pour que, ici, au commissariat, on ne parle plus de corruption. C'était Ngendanganya Généreuse, commissaire général de la police des migrations. De la police des migrations, page environnement à présent. Plus d'un million et demi de plants d'arbres d'essence variés seront plantés dans toute la province de Gitega pendant la saison sylvicole qui s'annonce, comme l'indique le chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBP en sigle, dans cette province. Jean-Marie Atongimana demande néanmoins aux habitants de Gitega de ne planter des eucalyptus que dans des espaces recommandés. C'est au moment où ces habitants disent que les plants d'arbres fournis par l'OBPE Gitega sont insuffisants et font recours aux plants venant des pépinières des particuliers, mais qui des fois sont de mauvaise qualité. Gérard Niwigira nous en dit plus. Les préparatifs de la toute prochaine saison sylvicole vont bon trait dans la province de Gitega, où plus d'un million et demi de plants d'arbres d'essence et variés sont déjà dans des pépinières, comme l'indique Jean-Marie Atungimana, chef d'antenne de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BP à Gitega. Les rapports qui nous sont parvenus nous montrent qu'en province de Gitega, nous sommes à 1 500 000 plants d'essence confondus. C'est-à-dire qu'il y a des eucalyptus, il y a les crevelia, etc. Et aussi, il y a une autre espèce qui n'était pas connue dans le temps passé, qu'on appelle les bambous. Il apprécie le fait que la population de Gitega plante beaucoup d'eucalyptus, mais leur demande est de les planter dans des espaces recommandés. La population de Gitega souhaite avoir beaucoup d'arbres et de la patate douce. Vous verrez que partout, même dans les chats, les arbres sont plantés. Alors que les eucalyptus doivent être plantés dans une espèce qui est bien localisée, non pas dans les champs et non pas dans les marais. Mais parce que la population venant de la commune de Gitega voit qu'en offrant les bois de chauffage, en offrant les charbons de bois, ils perçoivent beaucoup d'argent par rapport aux autres cultures. Donc ils préfèrent planter l'espèce en question, n'importe quoi. Donc je les inviterai que même s'ils veulent planter l'espèce, il faut que l'espèce soit bien installée dans l'endroit qui le mérite. Quant à eux, certains habitants de Gitega disent que les plants d'arbres produits dans des pépinières préparées par l'OBPE sont tellement insuffisants qu'ils doivent faire recours aux plants d'arbres provenant des pépinières de leurs voisins, mais qui souvent sont de mauvaise qualité, selon toujours ces habitants. En outre, ils regrettent le fait que l'OBPE ne leur fournit plus certaines essences telles que les cédrelas, les grévéliers et les autres arbres qui cohabitent avec les cultures. Et à Jean-Marie Atungimana de remercier vivement les associations qui ont déjà commencé à tenir des pépinières de plants d'arbres. Depuis Gitega, Jean-Yves Gira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigila. À 13h passées de 4 minutes, après une courte pause, la suite à l'international. Actualité internationale. En actualité internationale, le rétablissement des relations avec l'OMS, la relance des relations transatlantiques, la lutte contre la COVID-19 et la relance de l'économie font partie des priorités du nouveau président Joe Biden, candidat démocrate aux élections présidentielles américaines, qui a été proclamé hier président des États-Unis. Il devient ainsi à 77 ans le 46e président des États-Unis. Ornella Mucho. En tête dans plusieurs États clés, après l'élection présidentielle de ce 3 novembre, Joe Biden a plusieurs objectifs, comme rattraper les décisions controversées de son prédécesseur et relancer l'économie d'un pays mis à genoux par la COVID-19. Joe Biden promet de redonner leur place aux États-Unis dans la diplomatie mondiale. En plus du retour du pays dans l'accord de Paris, il souhaite annuler son retrait de l'OMS. Il a prévu d'organiser dans sa première année de mandat un sommet des démocraties pour relancer les relations transatlantiques et redonner toute son importance à l'OTAN. Le candidat démocrate s'est engagé à prendre très rapidement des mesures pour lutter contre l'épidémie de la COVID-19. Il veut lancer une campagne nationale de tests rapides et généraliser le port du masque en l'imposant dans les transports entre États et les bâtiments fédéraux. Après 4 jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs grâce à un succès dans l'État clé de Pennsylvanie. Il va ainsi devenir le 46e président des États-Unis à 77 ans. Son challenger et président sortant, Donald Trump, refuse toujours d'assumer sa défaite et s'est engagé dans une bataille judiciaire avec la contestation du scrutin dans plusieurs États clés. Le candidat républicain jugeant fraudulé les votes par correspondance. C'est par ici que nous mettons un point final, mais avant de terminer, je vous prie de suivre les titres. Joe Biden, candidat démocrate aux élections présidentielles américaines, a été proclamé hier président des États-Unis. Il devient ainsi à 77 ans le 46e président des États-Unis. Le rétablissement des relations avec l'OMS, la relance des relations transatlantiques, la lutte contre le COVID-19 et la relance de l'économie font partie de ses priorités. Vous avez eu quelques éléments du contenu de son discours après la confirmation de sa victoire. La lutte contre la corruption est une priorité pour le commissariat général des migrations, comme l'a indiqué le commissaire de police principale, Généreuse Ngendabanga, où elle a appelé les requérants des services de ce commissariat d'éviter la corruption. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal qui vous a été présenté par Armel Moutor et en compagnie d'Innocent Bibonimana à la cabine technique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.